En Corée, sont érigées les fresques en mosaïque figurant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il dans diverses unités d'activité de la province du Fang-e du Nord. La fresque en mosaïque figurant leur portrait en sourire est construite à la ferme coopérative d'élevage d'Unzon. Celle figurant ces grands hommes au sommet du mont Pektu, mont sacré de la Révolution, à la ferme de culture des plantes médicinales de Linsan, alors que la fresque en mosaïque à leur effigie au large sourire dans la plaine abondante est érigée à la ferme coopérative de Fason de l'arrondissement de Singye. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.